voilà une question d'actualité aussi vieille que le monde. Y a-t-il plusieurs vérités, aussi valides les unes que les autres, ou une seule vérité à laquelle on accède par différents moyens? Dans l'Andalousie du XIIe siècle, à Cordoue, le philosophe, juge et médecin Averroès a pris la question au sérieux. La vérité du Coran est-elle compatible avec la vérité scientifique? Prenons, nous aussi, ce matin, la question au sérieux et essayons de comprendre à la suite d'Averroès comment raison et religion peuvent cohabiter sans forcément s'opposer. Écoute, voilà comment ça commence l'histoire du monde. Le monde fut créé par l'Éternel notre Dieu en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières. Tu te fiches de moi? Non, c'est la vérité. Mais c'est ridicule! Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années! Le carbone 14, il peut se tromper. Peut-être c'est le déluge du temps de Noé qui a usé le sol de la planète. Du coup, elle a l'air plus vieille. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. Mais c'est ce que mon maître m'a enseigné. Tu sais ce que j'en pense de ton maître? Tu sais, mon chat, peut-être que les années n'ont de sens que si les hommes sont là pour les compter. Peut-être 5700 ans, c'est la date du premier calendrier. J'aime mieux cette explication. Bien. Parlons maintenant d'Adam et Ève, notre père et notre mère à tous. Adam et Ève, c'est un symbole. Non. C'est la vérité. Mais la vérité, c'est les hommes préhistoriques. Tu es content de toi? Quoi? Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris. La question se pose dans toutes les religions, d'Averroès à Galilée, en passant par Le chat du rabbin de Johann Sfar, dont vous venez d'entendre un extrait. Bonjour à vous, Souleymane Bachir-Diagne. Oui, bonjour Adèle Benzel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie française et des questions philosophiques en Afrique, dans les départements de philosophie et de français à l'Université de Columbia. Et d'ailleurs, vous êtes en direct avec nous depuis New York. Quelle heure est-il chez vous? Écoutez, il vient d'être chez moi 4h du matin. Ben, je vous remercie, c'est Averroès qui vous fait vous lever si tôt. Ben, Averroès et puis l'émission, les chemins de la connaissance. Eh bien, vous avez une gratitude éternelle, ma reconnaissance éternelle. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle, notamment, de plusieurs livres, mais l'un d'entre eux s'appelle « Comment philosopher en islam ». Est-ce que Averroès, le cas Averroès, permet de répondre à cette question? Alors justement, il est au centre de ce livre, je me demande même s'il n'est pas au centre physique de mes différents chapitres, parce que de la question de la philosophie en islam, lui s'est véritablement emparé. Il est celui qui, il est le grand défenseur de la philosophie et le grand défenseur de l'idée selon laquelle non seulement la philosophie est parfaitement compatible avec la religion, mais qu'elle serait quasiment obligatoire pour ceux qui en ont les moyens intellectuels dès lors qu'il s'agit de pleinement comprendre la religion. Mmh. Et en disant cela, il faut rappeler que sa position est une réponse, et une réponse extrêmement éloquente, probablement la réponse la plus éloquente dans l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, à cette grande question qui s'est posée dès les origines, dirais-je, de la compatibilité d'une discipline, d'une science, d'un savoir considéré comme étranger. La philosophie, c'était quand même aussi la traduction des ouvrages du monde grec, de la philosophie grecque. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure que la question s'est posée pour plusieurs religions et en particulier les trois grandes religions abrahamiques. Dès lors qu'elles étaient en contact avec la philosophie grecque, la question se posait de savoir ce que signifiait s'instruire auprès des maîtres grecs, alors que ces mêmes maîtres grecs n'avaient pas eu la révélation. Mmh. La question s'est posée en islam, dès le moment où des intellectuels musulmans se sont intéressés à la philosophie grecque, ont commencé à traduire, cette question n'a jamais cessé de se poser. Ça, c'est à partir de quelle année, est-ce que vous dites-le? Alors là, je parle du début du IXe siècle. C'est ça. Au début du IXe siècle, c'est le moment où les traductions se multiplient. Un monument symbolique, ça a été la création d'une institution appelée Maison de la Sagesse, qui avait pour fonction de réunir tous les éléments de traduction de la philosophie grecque en arabe. Mmh. Donc des traducteurs se retrouvaient là, des copistes, tout ce qu'il fallait pour la publication de manuscrits traduits du grec. Et, mais la question n'a pas arrêté de rebondir. Vous avez toujours eu un camp qui estimait que cette discipline, d'ailleurs qui avait gardé le nom étranger de falsafa, qui est une arabisation du mot philosophie, que cette discipline était véritablement étrangère au monde intellectuel et spirituel qu'était l'islam. Et cette opposition a connu un moment très important lorsque elle s'est incarnée dans la pensée et dans la position de quelqu'un de très important dans l'histoire de intellectuelle de l'islam, qui est Al-Ghazali, appelé Al-Ghazal chez les latins. Al-Ghazali occupe une position assez curieuse, parce qu'au fond... C'est au XIe siècle, je précise, c'est juste avant Averroès. Oui. Alors, Al-Ghazali, c'est au XIe siècle. On peut considérer que Al-Ghazali est un philosophe. Sa démarche est philosophique, ses textes ont une importance philosophique considérable. Mais par ailleurs, c'est un théologien qui s'est attaqué, un théologien et un mystique, qui s'est attaqué à la philosophie, appelant les philosophes arabo-musulmans d'ailleurs des hérétiques sur un certain nombre de points. Et il avait occupé une position éminente. C'était véritablement, on dirait aujourd'hui, un titulaire de chaire à ce qui était l'équivalent d'une grande université à Bagdad. Et ses ouvrages avaient une importance considérable. Il a écrit en particulier un ouvrage très important qu'il a intitulé l'autodestruction des philosophes. Enfin, on appelle aussi l'incohérence des philosophes. Ou l'incohérence des philosophes. Alors le mot tahafout, oui, c'est ça. C'est au fond s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. D'accord. Voilà, en gros, l'idée qu'il y a derrière ce mot. Donc d'où les traductions différentes, incohérence ou autodestruction. Mais l'incohérence des philosophes est le titre le plus courant. Et je crois que c'est sous ce titre-là qu'il est traduit en français. Et alors, je reviens à notre Averroès. Averroès représente la grande réponse à cette attaque contre la philosophie au nom de la religion. Et donc, lui-même, nous parlons ici du XIIe siècle, et la réponse, un siècle plus tard, si vous voulez, à Al-Ghazali, d'ailleurs, dans un livre qui est une réponse directe, où il a, auquel lui a donné le titre de l'incohérence de l'incohérence. Voilà. On voit tout de suite que c'est à Ghazali qui répond. Voilà pourquoi la figure d'Averroès s'est identifiée à la rationalité même, à la philosophie en général, et il représente la grande réponse à la question « Est-ce que la philosophie et la religion sont compatibles ?» Puisque avant lui, au fond, les autres grands philosophes Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, ne s'étaient pas posé la question. Ils s'étaient engagés en philosophie et ici ou là, ils devaient parler de la religion aussi. Mais la question s'attaquait frontalement à la question de la relation entre la philosophie et la religion, la raison et la foi. Ça, c'est Ghazali pour ce qui est de l'attaque, et c'est Averroès pour ce qui est de la réponse. Alors on va entendre dans un instant la réponse d'Averroès à Ghazali, et puis on va déplier ensemble ce qu'impliquent les arguments de part et d'autre, mais encore une chose avant d'entendre le texte, Souleymane Bachir Diagne, il faut quand même préciser que Ghazali n'est pas contre la philosophie en général, il est contre la philosophie d'Aristote, il est contre une certaine approche de la métaphysique et de la physique. Voilà, alors parce que il faut bien, c'est important de le préciser d'ailleurs, parce que la philosophie, c'était ma foi beaucoup de disciplines qui étaient rangées sous la grande bannière de la philosophie. Par exemple, la philosophie, c'était aussi bien la logique, mais c'était également l'astronomie, toutes les sciences grecques qui étaient réunies sous l'appellation de philosophie. C'était la médecine, c'était un certain nombre de disciplines. Par exemple, quoi dire contre la logique? Si la logique, c'est la science de l'argumentation valide, Ben, ma foi, d'argumentation valide, on a besoin également quand on est un jurisprudent. Mmh. On a envie, c'est quand même élégant, si on peut prendre ces décisions juridiques et les mettre sous la forme de la conclusion d'un parfait syllogisme de la première figure. Par conséquent, il ne s'attaquait pas à la philosophie dans son ensemble, il s'attaquait, vous l'avez dit, à un certain nombre de thèses, aristotélicienne en particulier, puisque si Aristote écrit un livre qui s'appelle La Physique et lequel livre nous explique le monde, évidemment là vous avez un conflit direct avec la religion qui elle-même a sa propre explication de la création. Mmh. Et donc là, évidemment le problème peut se poser. Et donc, d'ailleurs, Razali, dans son attaque dirigée contre les philosophes, énumère un certain nombre de thèses qu'il condamne chez les philosophes. C'est ça, et elles sont très précises. Hein. Les philosophes pensent que les corps ne ressuscitent pas, par exemple, ça ils le reprochent, que Dieu connaît l'universel mais pas le particulier, et ils parlent de l'éternité du monde et de sa création ex nihilo, comme si le monde fût créé à partir de rien, justement. Et ce sont, par exemple, trois hérésies dans le discours de philosophes qui identifient Razali. Exactement, d'ailleurs, dans la petite introduction magnifique que vous avez... par laquelle nous avons commencé tout à l'heure, on voit bien que toute la question est celle-là. Si les textes religieux, la Bible, comme le Coran, dit que Dieu crée le monde en 6 jours, en 7, puisque le 7e jour, il se repose, dit la Bible, et le 7e jour, il s'assoit sur son trône, dit le Coran, évidemment, ceci est en contradiction directe avec ce que la philosophie aristotélicienne, elle, pouvait dire du monde. Et c'est très simple d'ailleurs, la philosophie aristotélicienne disait du monde qu'il était éternel. Mmh. Alors voilà, donc d'où le conflit. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes, donc Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a 4 pattes. Alors c'est un chat. Moi j'ai à peine la force de vivre, j'en ai plus envie peut-être. Donc logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui, mais la réciproque est aussi vraie. La solitude me pèse, la société aussi. Oh, vous vous contredisez, est-ce la solitude qui pèse ou est-ce la multitude? Vous vous prenez pour un penseur et vous n'avez aucune logique. C'est très beau, la logique. À condition de ne pas en abuser. La phrase disant que tout prophète est un sage, mais que tout sage n'est pas un prophète, est la plus vraie qui soit. Cependant, les sages, ce sont les savants, dont il est dit qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et si, au principe des arts démonstratifs, il existe des contraintes et des fondements posés en préalable, il doit a fortiori en aller de même pour les lois, qui ont comme source et l'inspiration et la raison. Car toute loi révélée procède de l'inspiration, et la raison vient s'y mêler. Et si l'on admet qu'il peut exister une loi fondée purement sur la raison, on doit dès lors aussi admettre que celle-ci sera nécessairement plus défectueuse que les lois élaborées à partir de la raison et de l'inspiration. Tout le monde s'accordant à reconnaître que les principes de l'action s'acquièrent par l'imitation, car il n'y a pas d'autre moyen de démontrer la nécessité d'agir de telle ou telle manière que la possession des vertus acquises grâce à l'exercice d'actes moraux et pratiques. Culture, les chemins de la philosophie. On parle d'Averroès cette semaine. Averroès avait raison, semble-t-il. Et nous interrogeons aujourd'hui la place de la raison dans la religion en compagnie du philosophe Souleymane Bachir Diagne qui est avec nous depuis New York. Il est donc très tôt chez lui et je l'en remercie, je vous en remercie Souleymane Bachir Diagne. Alors, il faut essayer de préciser ce qu'on entend par raison. Le mot qu'emploie Averroès est celui de raison, et même quand on pose la question de la place de la raison dans la religion, est-ce que la raison c'est forcément, par exemple, la logique ? On en a dit un mot, et on a entendu un extrait de la pièce de Jeanne Ionesco, Rhinocéros, qui parle directement du syllogisme et qui montre comment trop de logique peut presque tuer la logique, en tout cas trop de logique bascule dans l'absurde. Ce qui montre bien que la raison n'est pas simplement de la logique et que son exercice ne peut pas être pensé indépendamment d'un certain contexte. Et ce contexte, il est très important pour Averroès justement. Ah oui, il est tout à fait capital. Il faut se rappeler d'ailleurs une chose, c'est que Averroès lui-même est un juriste. Ouais. Il est juriste par fonction. Sa famille est une famille de juristes. Il porte exactement d'ailleurs le nom de son grand-père, Abul Walid ibn Ahmad ibn Rushd, qui a été Ibn Rushd, qui a été latinisé en Averroès. Et donc c'était quand même aussi c'est chez lui aussi, c'est le juriste qui réfléchit à ce que signifie l'usage de la raison. Alors, la raison, c'est pas simplement la logique, c'est pas simplement la mise en œuvre de l'argumentation, c'est également une faculté qui fait la spécificité de l'humain. Alors, il y a l'usage de la raison dans le raisonnement, et il y a également le fait que l'humain a reçu la raison en partage, et c'est d'ailleurs cette raison chez lui, la pensée humaine, qui non seulement fait la spécificité de l'humain, mais fait également sa parenté avec les êtres célestes que sont les astres, les corps célestes et les anges qui dirigent, si vous voulez, qui sont l'intelligence justement de ces astres. Il faut ici se représenter le monde aristotélicien, la cosmologie aristotélicienne, des objets célestes parfaits qui sont définis par leur perfection et qui s'opposent ainsi à ce monde de l'imperfection dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde de l'imperfection et nous sommes, en tant qu'humains vivant dans ce monde de l'imperfection, nous-mêmes imparfaits, sauf que nous avons la raison en partage, et cette raison, c'est ce qui nous, c'est ce qui explique notre parenté, pour ainsi dire, avec les anges. Donc, la raison faculté a une signification métaphysique très importante pour ce qui est de la définition de l'humain. Mm-hmm. Et maintenant, vous avez la logique qui est la mise en œuvre de cette raison dans l'argumentation valide, encore une fois. C'est ça, mais le rôle que joue la philosophie, enfin je veux dire, quel type de mise en œuvre de la raison se trouve dans la philosophie ? Parce que c'est pas simplement de la logique et ça n'est pas que de l'argumentation rationnelle non plus. Comment est-ce que Averroès définit l'entreprise philosophique ? Alors l'entreprise philosophique, c'est d'abord la saisie et la compréhension des intelligibles. C'est la raison pour laquelle il était important de rappeler que la raison que nous avons reçue en partage est ce qui nous unit à un monde de la perfection qui n'est pas celui du devenir et de la corruption où nous vivons. Et donc la fonction première de l'intellect, prenons également cet autre mot comme ici synonyme de raison, la fonction première de l'intellect, c'est de pouvoir saisir et comprendre les intelligibles. Et ça, c'est l'aspect le plus important de la raison. D'ailleurs, un hadith, une tradition islamique utilisée et citée dans ce cadre-là, c'est la tradition qui dit que la première chose que Dieu a créée, c'est la raison. Voilà. Donc, cette sorte de priorité, on va dire priorité ontologique, priorité dans l'ordre de la création de la raison, est un aspect très important du rationalisme, parce que c'est le fait qu'il a reçu la raison en partage qui fait que l'humain est en mesure de comprendre la révélation. Et pourquoi est-ce que cet aspect est important au-delà du simple usage rationnel ou logique de cette faculté qui est en nous? C'est que cela va expliquer pourquoi la révélation et la raison d'une certaine manière, doivent être une seule et même chose. Mmh. Vous avez, dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, il est bien question du fait que la loi religieuse ne saurait s'opposer à la raison, à ce que nous dit la raison, parce que à ce moment-là, ce serait totalement incohérent, il serait totalement incompréhensible qu'une vérité puisse en contredire une autre. C'est ça. Mais alors donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité qui s'exprime différemment, d'un côté par la révélation, de l'autre par la raison, ou qu'il y a deux vérités compatibles? Ou il n'y a qu'une seule vérité, vous pouvez dire les deux. Vous pouvez dire il y a deux vérités compatibles, ou vous dites simplement il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est d'ailleurs, quand on accuse, nous en avons parlé au tout début de l'émission, quand on accuse l'avéroïsme d'être une doctrine de la double vérité, qui est une sorte de doctrine de la duplicité. Il y aurait là une duplicité. Si on disait qu'il y a une vérité selon la raison et puis une vérité selon la religion, l'accusation est vite proférée, selon laquelle, au fond, c'est là une position hypocrite qui consiste à dire que la vérité, la religion n'est pas vraie, que seule la raison est vraie. Alors que c'est pas exactement ce que dit Averroès. L'accusation d'Averroïsme ici ne fonctionne pas très bien pour ce qui est d'Averroès lui-même. Ce qu'il dit, c'est qu'il serait absolument incohérent et contradictoire d'imaginer que la vérité religieuse parle contre la vérité de la raison, parce que cela voudrait dire qu'une vérité contredit une autre vérité, ce qui est une impossibilité logique. Par conséquent, oui, il n'y en a qu'une qui apparaît sous le visage de la religion ou sous le visage de la raison. Et ceci va tellement loin que la philosophie de l'interprétation chez Averroès consiste à dire s'il y a une apparence de contradiction, s'il semble que ce que dit la religion contredit ce que dit la raison, alors c'est le signe qu'il faut se mettre à interpréter. Il faut travailler à l'interprétation du texte révélé de telle sorte que l'on puisse dégager de sa lettre, si vous voulez, la signification qui en fait, qui constitue son accord avec la vérité de la raison. Vous voyez la signification ici du rationalisme. Si le texte semble mal s'ajuster, le texte révélé semble mal s'ajuster aux exigences de la raison, c'est que ce texte doit être lu différemment, doit être interprété au-delà de sa simple lettre, de sorte qu'il puisse parfaitement correspondre aux exigences de la raison. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est rationnel? Que Dieu est ce que Pascal appellera plus tard le Dieu des philosophes, au fond, voire comme un Dieu leibnizien qui crée le monde selon sa raison? Ben oui, c'est un Dieu, c'est quasiment, oui, le Dieu de Leibniz, dont Leibniz dit si joliment... au moment où il calcule, cum Deus calculat fit mundus, quand Dieu calcule, le monde se produit, le monde est donc produit du calcul divin, parce que la création de Dieu est elle-même totalement envahie, j'allais dire, par la raison. La raison est présente dans ce que Dieu a créé, la raison est présente dans l'humain qui est le dernier-né de la création, et la raison est présente également dans les textes par lesquels, dans la parole de Dieu adressée à l'intelligence de l'humain. Donc la raison est effectivement partout. Au point où effectivement on a pu se demander si c'était le véritable Dieu pour Averroès, ça n'était pas la raison. Ben oui, parce que que reste-t-il de la révélation, de la croyance, dès lors qu'on est dans un univers qui est complètement rationnel? Le terme même de croyance semble contredire la mise en pratique de la rationalité. Si on croit, c'est qu'on n'est pas certain, c'est qu'on ne peut pas connaître. Le mot même de révélation implique un rapport direct qui ne passe pas par la médiation de la raison. Ah ben oui, mais lui vous répondrait dans ce cas-là qu'au fond, au contraire, c'est précisément parce que les choses sont assises sur la raison que vous arrivez à un état de certitude, et la conviction religieuse devient une véritable conviction au sens où elle est fondée en raison. Autrement dit, la solidité même de la foi religieuse tiendra à la solidité de sa fondation rationnelle. C'est toute la démarche de cet ouvrage qu'il écrit sur le traité décisif, où il dit à l'humain que non seulement il faut il est permis d'employer sa raison, donc de philosopher, mais que c'est même nécessaire pour la religion elle-même. Donc l'idée est celle-là. L'idée est que la religion est d'autant plus assise et d'autant mieux fondée que ses fondations reposent elles-mêmes sur la raison, ou plutôt sont la raison elle-même. Qu'il est obligatoire de philosopher, c'est en effet ce qu'écrit Averroès. Voici le texte dans l'accord de la religion et de la philosophie. Si l'œuvre de la philosophie n'est rien de plus que l'étude réfléchie de l'univers en tant qu'il fait connaître l'artisan, et si la loi religieuse invite et incite à s'instruire par la considération de l'univers, il est dès lors évident que l'étude désignée par ce nom de philosophie est, de par la loi religieuse, ou bien obligatoire, ou bien méritoire. Que la loi divine invite à une étude rationnelle et approfondie de l'univers, c'est ce qui apparaît clairement dans plus d'un verset du livre de Dieu, lorsqu'il dit, par exemple, « Tirez enseignement de cela, ô vous qui êtes doués d'intelligence. » C'est là une énonciation formelle, montrant qu'il est obligatoire de faire usage du raisonnement rationnel, ou rationnel et religieux à la fois. Puisqu'il est bien établi que la loi divine fait une obligation d'appliquer à la considération de l'univers la raison et la réflexion, comme la réflexion consiste uniquement à faire sortir l'inconnu du connu, et que cela est le syllogisme, c'est pour nous une obligation de nous appliquer à l'étude de l'univers par le syllogisme rationnel. Souleymane Bachir Diagne, que la raison et la révélation ne soient pas contradictoires est une chose, que l'enseignement et la pratique de la philosophie soient une obligation, y compris d'un point de vue religieux, en est une autre. Comment Averroès franchit-il le pas ? Le pas est vite franchi, et je dirais que c'est même presque un pied de nez aux détracteurs de la philosophie. Parce que les détracteurs de la philosophie, que dit Razali, par exemple? Razali dit la philosophie, c'est dangereux, c'est pas bien, ça vous fait tomber dans l'hérésie. D'ailleurs, vous êtes hérétique sur les thèses suivantes. Vous refusez la résurrection des corps, vous refusez la connaissance par Dieu des choses particulières. Vous dites que Dieu ne connaît que de manière universelle et non pas en particulier. Et vous dites que le monde est éternel. Et donc, avec ça, vous risquez d'aller en enfer. Et la réponse d'Averroès, c'est pour cela que je dis que c'est presque un pied de nez, ce n'est pas d'être sur la défensive, ce n'est pas de dire mais non, nous ne nions pas la vérité de la religion. Averroès, au fond, d'une manière tout à fait crâne, dit, écoutez, tenons le langage d'ailleurs du droit, parce que lui-même, je l'ai rappelé tout à l'heure, était un juriste. Prenons le langage du droit musulman, de la charia, de la loi religieuse. Vous savez que la loi religieuse distingue les actes en actes méritoires, en actes permis, en actes interdits, en actes indifférents. Eh bien, je vais vous dire que l'étude de la philosophie fait partie des actes obligatoires. Pour la raison suivante, il vous est commandé de connaître Dieu. Eh bien, la manière de connaître Dieu, de connaître l'artisan, c'est de le connaître par ses œuvres. Et donc, la philosophie identifiée ici à la compréhension de la création, à la compréhension du monde, devient une obligation. Une fois que l'on a dit cela, il faut quand même se dire qu'elle n'est une obligation, qu'elle n'est pas une obligation pour le commun des humains. Tout le monde n'est pas philosophe. Il y a là une forme d'élitisme dans le raisonnement d'Averroès. Vous avez dit tout à l'heure, enfin l'excès dans, que nous, qui a été lu, parle du syllogisme rationnel. Rappelons ici quelle est la différence entre un syllogisme rationnel et d'autres formes de syllogisme. Vous avez, et ça c'est la tradition, vous le trouvez chez Aristote, la distinction entre un syllogisme qui serait simplement un syllogisme rhétorique, un syllogisme dialectique, qui est un syllogisme au fond qui est valide formellement, mais dont les prémices ne sont pas assises sur des certitudes. Et puis vous avez le syllogisme, le grand syllogisme démonstratif, où les prémices viennent directement de la raison, correspondent à l'exigence rationnelle, et donc les conclusions elles aussi. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien de syllogisme rationnel? Alors un syllogisme rationnel, ce serait par exemple un syllogisme où tous les, si je vous dis si tous les x sont des y et tous les y sont des z, alors tous les z sont des x, tous les x sont des z, pardon. Alors si je vous donne ce syllogisme là, alors de deux choses l'une, si mes prémices elles-mêmes sont des prémices que je vous demande simplement d'accepter, si vous m'accordez que telle chose et que vous m'accordez que telle autre chose, alors vous êtes obligé de m'accorder tel élément de conclusion. Ça, c'est un syllogisme que je dirais dialectique, parce que je suis obligé de vous demander de m'accorder les prémices. Mmh. Alors que si j'ai des prémices que vous ne pouvez pas refuser, si je vous dis le tout est plus grand que la partie, à moins de débloquer, si vous me permettez l'expression, on est obligé d'accepter cela. Ben voilà un exemple de syllogisme absolument démonstratif. C'est une démonstration, voilà. C'est une démonstration, et qui est une démonstration rationnelle de part en part. Je n'ai pas besoin de vous demander de m'accorder telle ou telle chose, parce que si nous sommes théologiens tous les deux, d'une certaine manière, je vous ai déjà demandé de m'accorder que Dieu existe. Oui. Je vous ai déjà demandé de m'accorder que le livre dont nous discutons est véritablement la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous lancer dans certaines conclusions, alors que je n'ai pas démontré. Mais ça, c'est très important, ce que vous dites. Ça veut dire que la force démonstrative du syllogisme ne peut pas s'appliquer à toutes les situations, du syllogisme rationnel, j'entends. Ça veut dire que le mode de raisonnement qu'est le syllogisme rationnel ne peut pas s'appliquer concernant, les objets religieux, par exemple, et le texte sacré. Justement, sauf pour les philosophes. Pour les philosophes, évidemment, eux, ils sont en mesure de remonter jusqu'au premier principe, les grands principes rationnels, et de tout fonder de ce qu'ils disent sur la rationalité. C'est ça le pari du rationalisme. Alors qu'effectivement, le commun des mortels se contentera d'accepter des prémices qui sont des prémices qu'on lui a expliquées. Il sera convaincu, par exemple, par des éléments totalement rhétoriques. C'est comme si vous étiez convaincu de ce que je dis parce que j'ai ce geste ample de la main qui semble absolument convaincant et dont jouent parfaitement les populistes et autres dictateurs en herbe. Donc tout ce qui est rhétorique. Alors, les gens de syllogisme rationnel et démonstratif, ce sont, pour Averroès, les philosophes. Ce sont ceux-là qui sont en mesure d'asseoir la religion sur des fondements totalement rationnels, et ce sont eux qui se trouvent dans l'obligation, en quelque sorte, l'obligation de connaître Dieu à travers les œuvres de Dieu. C'est une obligation qui s'adresse à ces esprits démonstratifs et non pas aux esprits purement rhétoriques ou aux esprits purement dialectiques. Ça veut dire que la définition de la philosophie selon Averroès ne se distingue pas de celle des sciences, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on distingue vraiment les deux. On peut tout à fait concevoir de faire de la philosophie sans être doué en mathématiques, par exemple. Alors que, d'après ce que vous dites, et selon Averroès, l'exercice de la philosophie ne va pas sans une réflexion scientifique. Absolument, parce que la raison étant une, toutes ces productions scientifiques, etc., sont les productions de la même raison. C'est à la même raison que l'on demande d'être constitutive de la foi. Et c'est à cette même raison, évidemment, que l'on s'adresse lorsque l'on fait des mathématiques, lorsqu'on parle de physique ou lorsqu'on écrit un ouvrage de droit. Et encore une fois, ce qui fait que, prenons le jugement d'ailleurs de quelqu'un qui a écrit sur Averroès, qui est Renan. Ernest Renan. Qui est très critique à l'égard d'Averroès. Qui est critique à l'égard d'Averroès, mais il rappelle quand même, pour lui, c'est quand même une figure importante de la rationalité. Et dans son ouvrage sur Averroès et l'averroïsme, il se dit, au fond, il n'y a pas de raison de ne pas penser que Averroès croyait quand même, était un homme de foi. Il dit dans un passage de son livre que Averroès croyait quand même en l'islamisme. Alors, Renan ne dit pas islam, il dit islamisme, qui a un tout autre sens, oui. Je vous l'accorde aujourd'hui. Mais enfin, Averroès croyait en l'islam. Et d'ailleurs, il est intéressant de rappeler que la raison pour laquelle Renan disait que Averroès pouvait être le rationaliste qu'il était et accorder toute sa foi également à l'islam, c'était, selon Renan, parce que l'islam est précisément une religion qui ne laisse pas place au surnaturel, et donc apparaît comme une espèce, la croyance pour lui d'Averroès était une croyance quelque peu déiste, rationnelle et déiste. C'est intéressant de rappeler ce jugement de Renan en un moment où on considère qu'au contraire, l'islam, c'est l'obscurantisme, le fanatisme. Voilà Renan qui dit, la raison pour laquelle ce philosophe rationaliste jusqu'au bout des ongles pouvait croire en une religion comme celle-là, c'est que cette religion elle-même semblait être une religion totalement rationnelle, rationaliste, et se méfiant du surnaturel. Mais alors, la question se pose de savoir ce qui se trouve dans le texte, dans le Coran lui-même, parmi les positions d'Averroès, parce qu'il faut quand même distinguer au moins deux courants de l'islam à ce moment-là. On a parlé de Razali et d'Averroès qui s'opposaient. Razali appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui le soufisme, qu'on pourrait qualifier de mystique, tandis qu'Averroès, lui, est du côté du mutazilisme, qui ne voit pas dans la parole divine une sorte de vérité immuable, mais un ensemble de commandements à interpréter. On a là deux courants différents qui appartiennent à la même religion. Oui, alors ce sont des écoles de théologie. Vous avez l'opposition qui est à établir ici, est une opposition entre des écoles théologiques. Le mu'tazilisme, qui est une école de théologie précisément rationaliste, qui sur un certain nombre de thèses qui ont fait l'objet de controverses et qui ont justement défini les écoles différentes. Je vous donne un exemple. La question de savoir si les humains sont jouissent d'un libre arbitre ou si tous leurs actes sont prédéterminés, déjà écrits, comme dirait l'adage populaire. Eh bien, sur une thèse comme celle-là, vous avez une opposition des rationalistes mu'tazilites qui disent « Mais non, l'humain est complètement libre d'agir, il jouit de son libre arbitre, sinon la justice de Dieu n'aurait pas de sens, Dieu punirait des marionnettes. » Et puis, vous avez une position qui est, elle, une position plus fidéiste. Alors, cette position-là, les positions plus fidéistes, l'école en question, l'école théologique, c'est l'acharisme. Mmh. Et donc, Razali était un théologien achari. D'ailleurs, c'était sa fonction quand il a été nommé à la chaire de la Nizamiya de Bagdad, de l'université de Bagdad, disons, pour parler vite. C'était pour être le grand défenseur de la théologie acharite, d'ailleurs de l'interprétation sunnite de la religion, et à l'intérieur de cette interprétation sunnite, de la théologie acharite. Alors que le mu'tazilisme, cette branche théologique plus qui avait des réponses plus rationalistes à un certain nombre de questions théologiques, c'est elle, en gros, qui a nourri les philosophes. Donc disons que les philosophes s'inscrivent davantage dans la théologie mu'tazilite, alors que le parti antiphilosophique, encore une fois en simplifiant, lui est plutôt du côté de l'acharisme. Voilà, mais sachant qu'on trouve dans le Coran des passages justement qui semblent aller dans le sens d'Averroès, qui disent mais justement pour bien étudier ce texte et pour bien comprendre la révélation, il faut faire appel à sa raison. Oui, d'ailleurs, il cite beaucoup de passages coraniques dans le traité décisif. Il procède vraiment à la manière d'un juriste. Son langage est juridique, le langage de la démarche philosophique comme étant une démarche obligatoire pour ceux qui en ont les moyens intellectuels. C'est un langage juridique et comme tous les juristes, il appuie, il cherche des preuves dans le texte lui-même. Maintenant, le texte coranique, évidemment, si vous le lisez en cherchant des versets qui vous confortent dans votre position prédéterministe, vous les trouverez. Si vous cherchez également des passages qui vous confortent dans une posture plutôt libre arbitre, vous les trouverez également. Par conséquent, simplement s'adresser au texte pour, comme s'il donnait des arguments d'autorité, c'est une démarche qui ne sera pas fondatrice parce qu'on pourra toujours vous opposer d'autres lectures, d'autres versets qui diraient quelque chose d'autre. Bah, c'est peut-être la limite de l'approche d'Averroès qui prône le commentaire et l'interprétation du texte, c'est qu'en fait c'est sans fin. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme de relativisme ? Il y a une forme. Alors, il dit d'ailleurs à la fin du traité décisif qu'il se rend bien compte que dès lors qu'on donne une importance aussi grande à la notion d'interprétation, vous avez la voie est ouverte au pluralisme. La raison pour laquelle les littéralistes qui peuvent aller jusqu'au fanatisme sont d'abord et avant tout des exclusivistes, c'est qu'ils ont peur du pluralisme, ils ont peur de la multiplicité possible des interprétations. Et sur ce chapitre-là, la controverse est chose nécessaire. Le rationalisme va avec le pluralisme et va avec la controverse rationnelle. Il y a une tradition dans le monde de l'islam qui dit que les différends entre savants sont une bénédiction. Les différends entre les savants sont une bénédiction. C'est une parole pluraliste absolument admirable. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est que des savants, donc qui font usage des mêmes facultés, peuvent parfaitement avoir des positions différentes, voire contradictoires sur une question. Eh bien, leur différend, plutôt que d'être un mal, est au contraire une bénédiction, parce qu'il y a là motif à ouverture. Et c'est ce que dit Averroès. Averroès indique bien à la fin du traité décisif que vous pouvez avoir des différences d'interprétation, de lecture entre les savants qui partagent cependant tous la même culture rationnelle. Ce qui est essentiel, dit-il, c'est que leurs ouvrages ne soient pas entre toutes les mains. Autrement dit, le pluralisme des interprétations ne pose pas problème. Mais dès lors que les interprétations différentes pénètrent les masses, dirons-nous pour utiliser un langage marxiste, et que les masses elles-mêmes se mettent à se cogner dessus au nom de leurs différences, en général, les maîtres vivent parfaitement leurs différences, ce sont les disciples qui font de ces différences des différends irréconciliables et donc par refus du pluralisme et par affirmation de l'exclusivisme. C'est ça. Et donc l'idée, enfin, on envisagera les conséquences politiques de ce que vous venez de dire jeudi prochain. On y consacrera toute une émission, mais quand même un mot là-dessus. Est-ce que du coup, pour Averroès, quelle conclusion en tire-t-il ? Qu'il ne faut pas enseigner cette vérité aux masses de peur que cela se retourne contre lui ? Ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité d'éduquer ceux qui ne sont pas philosophes, ceux qui n'appartiennent pas à l'élite, dans l'espoir de pouvoir transmettre aussi les bienfaits de ce pluralisme ? Alors les deux, parce qu'il y a une éducation à la philosophie, sinon ce serait à désespérer, la compagnie des philosophes ne s'agrandirait jamais. Donc il est du devoir des philosophes de faire progresser la compagnie des philosophes. Mais il faut bien s'aviser effectivement que tous les esprits ne sont pas des esprits démonstratifs et ne sont pas des esprits de philosophes. Alors la conclusion est une conclusion absolument extraordinaire. À la fin du traité décisif, Averroès dit: il est de la responsabilité du pouvoir politique de faire en sorte que nos écrits à nous, philosophes, n'aillent pas dans toutes les mains. C'est quand même extraordinaire de dire si l'État fait son travail, il y aura une bonne censure qui fera que la parole philosophique restera entre nous, philosophes, et que nous ne serons pas coupables d'introduire le trouble dans des esprits qui ne sont pas préparés à entendre ce que nous sommes, ce que nous disons en tant que philosophes. Mais vous savez, c'est ce qu'on a appelé la discipline de l'arcane, la discipline du secret, l'idée selon laquelle toute vérité n'est pas bonne à dire à tout le monde. C'est Léo Strauss aussi qui tient cette position. C'est Léo Strauss aussi, c'est même la Bible, enfin ne pas jeter de la confiture au cochon ou des perles au pourceau. C'est cette idée que si je prends quelqu'un qui a ce qu'on appelle la foi du charbonnier, ma foi, cette personne s'en trouve bien d'avoir la foi qui est la sienne et d'avoir les certitudes qui sont les siennes. Si je viens le troubler dans ce qu'il croit avec des thèses qu'il ne comprend pas très bien, mais qui n'ont pas d'autres conséquences que de déraciner en quelque sorte, ou de secouer fortement en tout cas ses convictions sans véritablement établir ce que j'essaye de lui enseigner, à ce moment-là, j'ai créé de la confusion, tout simplement. Alors que si mon propos est adressé à celui qui est en mesure de l'entendre, ce propos produira des effets bénéfiques, donc d'agrandissement de la compagnie des philosophes en particulier. Et cette discipline de l'arcane, vous la trouvez aussi bien chez les philosophes, l'idée que la vérité philosophique n'est pas pour tout le monde, ou chez les mystiques, chez les soufis, l'idée que la vérité profonde du soufisme n'est pas toujours à divulguer auprès de ceux qui ne sont pas en mesure d'en saisir la signification profonde. Allez, venez par ici, Montag. Tous ces philosophes. Allez, au feu, c'est encore pire que les romans. Les penseurs, les philosophes, les farceurs, chacun d'eux proclame, il n'y a que moi qui dis juste. Tous les autres sont des imbéciles. Pendant un siècle, ils vous affirment que l'homme a son libre arbitre. Et au siècle suivant, c'est le déterminisme qui domine. La philosophie, ce n'est rien d'autre qu'une question de mode, les jupes courtes une année et les jupes longues l'année suivante. Ah, l'inventeur du surhomme, Nietzsche. Tous les juifs détestent Nietzsche. Allez, à brûler. Ah, celui-là est sûrement très profond. L'éthique d'Aristote. Dès qu'un homme l'a lu en entier, il se prend pour supérieur aux pauvres types qui ne l'ont pas lu. Vous le voyez, c'est nuisible, car il faut que nous soyons tous pareils. Seule l'égalité peut assurer le bonheur de tout le monde. Alors, il faut brûler les livres, Montag. Tous les livres. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les livres d'Averroès. Alors, Souleymane Bachirdiane, terminant sur cette idée, vous avez peut-être reconnu un extrait du film de François Truffaut, Fahrenheit 451, où les livres sont directement brûlés. Il y a un rejet catégorique des romans, des essais, et puis ici, de la philosophie qui est considérée comme étant dangereuse parce qu'elle change. Elle suit une mode, comme les jupes des femmes suivent une mode, la philosophie aussi. Et si bien que l'extrait amène quand même à se demander deux choses. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, la philosophie pour les masses ou la censure qui vient s'appliquer à la philosophie? Et en ce qui concerne Averroès, pourquoi lui-même a-t-il fait l'objet d'un tel rejet? Pourquoi ses livres ont-ils été brûlés? Ça veut dire que sa pensée était trop subversive pour son temps? Il y a de cela. Alors, il y a toute la politique de son temps. Il faut se rendre compte qu'Averroès est né, a grandi et est mort dans une époque très troublée de l'Espagne du Sud, de l'Espagne musulmane, cette région qu'on a appelée l'Andalousie. Et qui englobait également une partie de l'Afrique du Nord. Et c'était une époque de troubles où vous aviez à la fois les troubles internes, si je puis dire. Depuis la fin du califat, vous aviez eu une sorte de fragmentation de cette Espagne musulmane. Des dynasties se sont succédées, la dynastie des Almoravides, puis des Almohades lui-même et a grandi sous les Almohades. Et vous aviez également la poussée de la reconquête. Les rois catholiques du Nord étaient en train de pousser, et donc c'était une époque totalement troublée. Et selon la température du moment, le le parti, j'ai parlé tout à l'heure des exclusivistes, les partis exclusivistes, ce que Renan appelait le parti religieux d'ailleurs. Renan a un peu simplifié les choses en disant qu'il y avait le parti des philosophes et le parti religieux. C'est une simplification, mais elle est utile ici. Disons qu'il y avait un parti de ceux qui s'opposaient à la spéculation philosophique, à l'interprétation rationaliste des textes. Et selon la situation militaire du moment, ce parti-là pouvait avoir ou non l'oreille du pouvoir politique, l'oreille du sultan. Il y a eu un moment de la vie d'Averroès, qui n'a pas été très très long d'ailleurs, où il est tombé en disgrâce. Il faut rappeler que Averroès était le médecin privé du sultan, une situation dont il avait hérité de Ibn Tufayl, un autre philosophe andalou. Et puis il est donc tombé en disgrâce, il a été accusé de d'hérésie et ses livres ont été brûlés pour montrer que ils étaient dangereux. C'est d'ailleurs une scène magnifique dans la version très romancée Youssef Chahine donne de la vie d'Averroès dans le film Le Destin, où on voit effectivement les manuscrits d'Averroès être brûlés, mais il est revenu en grâce. C'est vrai. Un an, me semble-t-il, il est revenu en grâce. Le sultan, qui avait lui-même connu quelques victoires militaires à ce moment-là, s'était, disons, calmé et l'avait rappelé auprès de lui, mais il allait mourir pas très longtemps après. Alors, il y a deux images d'ailleurs qu'il faut... Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Oui, alors deux images, les livres qui sont brûlés, et puis quand il est mort, on le met sur un âne quand on le transfère du Maroc, où il a d'abord été enterré, au sud de l'Espagne. Et ce qui équilibre le poids de son corps, ce sont ses manuscrits de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une scène magnifique. Merci beaucoup Souleymane Bachir Diagne d'avoir parlé d'Averroès ce matin à ce micro. Enfin... À ce micro, à votre micro, depuis chez vous. Merci de vous être levé si tôt à New York pour pouvoir faire l'émission en direct. Alors, je renvoie à votre livre « Comment philosopher en islam ?» Et puis, paraîtra le 8 avril prochain votre autobiographie intellectuelle, si je ne me trompe, « Le fagot de ma mémoire », au titre magnifique, aux éditions Philippe Ray. On a hâte de vous lire et j'espère que vous reviendrez en parler à ce micro cette fois-ci. Ce sera aussi avec un grand plaisir et peut-être directement en présentiel, comme on dit. En présentiel, je le souhaite de tout mon cœur. Merci à vous et on se quitte. Ben, on a commencé avec Adam et Ève. De quel type de vérité sont-ils? Avec l'extrait du chat du rabbin, on se quitte avec la berceuse d'Adam. C'est Natacha Atlas. France Culture, les chemins de la philosophie, de la douce voix de Natacha Atlas et la douce voix d'Aurélien Bélanger. C'est le programme du jour comme tous les jours. Voici donc la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. J'ai dit que votre voix était douce, j'espère que vous allez me donner raison. Votre question ce matin est la suivante: doit-on se méfier des faux amis? Alors vous savez, les faux amis, c'est une façon qu'ont les profs d'anglais au collège de nous faire croire que l'anglais est une langue difficile, contre cette évidence que l'anglais, c'est essentiellement du français avec un accent. Bon, disons à 40%, merci Guillaume le Conquérant. Mais comme les 60% des mots qui restent venus du vieux saxon sont quasi monosyllabiques, l'anglais pourrait être résumé ainsi: c'est du français avec beaucoup d'onomatopées entre les mots. C'est là que les pédagogues vexés ont introduit le concept de faux amis. Pas de correspondance bi-univoque entre les termes voisins. Non, la librairie ne vend pas de livres et toute la classe rigole. Il y a un humour propre à l'apprentissage des langues qui m'a toujours un peu consterné. Reste que j'ai été récemment victime d'un faux ami particulièrement vicieux qui m'a conduit, on va le voir, à porter le bonnet d'âne qu'on réservait autrefois au cancre, la vengeance tardive de mes anciens, profs d'anglais sans doute. Tout commence avec l'achat d'un vélo cet automne, un vélo de type gravel. Gravel, gravel, comme la maladie. Bien tenté, presque, alerte faux ami, mais pas tout à fait. Le faux ami est ailleurs. D'ailleurs, gravel s'écrit avec un seul L, ce qui veut dire gravier ou gravillon, et dont dérive bien le nom de la maladie qu'on appelle aujourd'hui plutôt colique néphrétique ou calcul rénal. Bah, calcul, justement, le voilà le faux ami, le calcul. Pas encore. Ou plutôt, s'il y a un faux ami ici, il ne pose pas de problème aux francophones, même si le mot calcul est plus souvent utilisé dans son sens mathématique que dans son acception physiologique. Mais l'étymologie est bonne conseillère. Le mot gravel désigne bien en anglais une petite pierre, un gravillon et un vélo de type gravel. Pour faire simple, c'est un vélo de route avec de grosses roues, de VTT. Pour le dire plus solennellement, c'est un pari sur l'échec possible du processus de civilisation. Si les routes disparaissent, les gravels rouleront encore. Car il faut savoir que, contrairement au ressenti héliporté du Tour de France, le seul paysage qui intéresse vraiment le cycliste, c'est l'enrobé qu'il a sous les yeux, et que mes principaux syndromes de Stendhal en tant que cycliste, je les ai connus sur des routes neuves et belles à pleurer. Le gravel, autrement dit, permet de relever un peu la tête et de passer à peu près partout. Ma première sortie m'a ainsi conduit sur les chemins boueux de la forêt de Montmorency, autour du fort où la police nationale vient apparemment s'exercer au maniement de ses armes. L'ambiance était génialement apocalyptique. J'ai pu croire un instant que j'avais le même vélo que Mad Max. Bref, fin du bulletin de publi-information, le gravel est un vélo polyvalent. Ce que j'ignorais et que je n'ai découvert qu'en regardant des vidéos de cyclistes boueux et extatiques, c'est que polyvalent se dit en anglais versatile. Eh bien, le voilà le faux ami dont il fallait se méfier. Exactement, car ce mot de versatile, je l'ai pris pour moi. Mon vélo d'aventurier soudain avait quelque chose d'hésitant et de velléitaire. Tout mon égo trip qui consistait à me faire pousser la moustache et à dire d'une voix virile que je roulais en gravel tombait d'un coup. À plat, nous étions devenus, mon vélo et moi, un centaure indécis et un peu misérable, pire qu'un centaure, un âne, le fameux âne de Buridan, bien sûr, celui qui se laissait dans la légende médiévale mourir de faim et de soif, car n'arrivant pas à choisir entre son avoine et son eau, et je me suis ainsi surpris à manquer à mon tour d'impétus ou d'élan vital quand, devant me rendre à une vingtaine de kilomètres de Paris, j'ai hésité si longtemps entre tous les offres de ce paradis multimodal qu'est l'approche banlieue parisienne, que j'ai fini par y aller bêtement, à pied, succombant à une mystérieuse mélancolie des transports ou accomplissant ma première sortie en gravel mental. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Baptiste Botella en compagnie de Manon de la Selle, Clara De Giovanni, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions sur Averroès. Jean-Guilain Meige était à la prise de son aujourd'hui. À la lecture des textes cette semaine, c'est Denis Podalides qui l'en soit remercié. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour d'Averroès. Demain, on sera en compagnie de Jean-Baptiste Brenet. Et on se demandera qui est ce « je » qui pense. Quelle place pour l'identité personnelle, l'identité psychologique dans le « je » d'Averroès. C'est absolument passionnant, vous verrez. C'est donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que celle d'hier pour ne rien rater de cette série sur Averroès en vous rendant sur France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct et en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À 10h précise, demain, nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.